Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire à Québec, l'île d'Orléans, berceau de l'Amérique française. L'île d'Orléans devient très rapidement, je dirais, l'image touristique du Québec parce qu'on invite les touristes lorsqu'on voit, par exemple, les premiers guides touristiques apparaître. Pourquoi? Bien, parce qu'on veut faire le tour de l'île, on veut voir le creuset de la civilisation canadienne-française. Dans le fond, c'est un peu comme les spécialistes ont appelé ça une société folklorique, le folk society, c'est-à-dire c'est un endroit où on va vraiment retrouver ce qu'était l'essence même de la civilisation canadienne-française, les vieux villages, les toits en chaume, l'agriculture, les attelages, les chevaux. Donc, c'est pour ça qu'on invite les touristes à venir voir cette civilisation-là. Et quelque part, l'île d'Orléans est un peu un écrin préservé tant qu'on n'y a pas fait le pont. L'historien Régent Lemoine, à l'émission « Samedi de prendre le temps » en mars 2008, en quelques mots seulement, Régent Lemoine réussit à résumer parfaitement ce que représente l'île d'Orléans pour nous, Québécois. Et avec ce qu'on vient d'entendre, ça va de soi que notre passage ici au Musée national des beaux-arts du Québec pour cette série d'émissions consacrées à Québec devait absolument inclure une émission consacrée à l'île d'Orléans. Pour supporter le difficile et l'inutile, y a le tour de l'île, 42 000 de choses tranquilles. L'île, c'est une œuvre finie, c'est terminé. L'île, faut pas y toucher. Il y a rien encore de grave, mais on sent de loin peut-être que, parce qu'il y a la fête de la Bonne-Saint-Anne en face, l'autre côté. Et puis, des Américains par milliers viennent à la fête de Saint-Anne, c'est leur dévotion. Ils viennent dans le mois d'août, et puis ça serait un magnifique terrain. Qu'est-ce que c'est pour eux d'acheter l'île, c'est rien du tout. Avec des arcs, des corridors et des falaises. C'est venu tout seul dans le tour de l'île, le mot indépendance est venu. Comme un critique français a dit, c'est ça trébuché avec le mot France. Ça me hante, j'aimerais qu'on soit chez nous. Qu'on soit chez nous, qu'on parle français, c'est tout. Pour célébrer l'indépendance, quand on y pense, c'est en France, c'est comme en France, le tour de l'île. Sur la chanson « Le tour de l'île », vous entendiez Félix Leclerc dans une entrevue qui a été rediffusée à l'émission CBF Bonjour en juin 1989, un peu moins d'un an après sa mort. Pour nous raconter cette riche histoire de l'île d'Orléans, je reçois l'historien Michel Lessard qui a publié le livre « L'île d'Orléans aux sources du peuple québécois et de l'Amérique française », un livre qui est devenu un classique au fil du temps. Michel Lessard, bonjour. Bonjour. Revenons sur ce que Régent Lemoine disait. Parlez-moi de la raison qui fait que les Québécois sont aussi attaché à cette île-là. Qu'est-ce qu'elle représente pour nous, l'île d'Orléans? En fait, c'est le pays souche. C'est le pays de nos origines françaises. Avec la ville de Québec, la côte de Beaupré, l'île d'Orléans, c'est le lieu où les premiers Français, arrivant du Poitou, arrivant de Normandie, un pays de pommes et un pays de fromage, finalement, et arrivant de l'Île-de-France, se sont installés et ont développé une agriculture, ont appris le pays, ont appris la cadence climatique des étés et des hivers, et il a fallu qu'ils réinventent tout en arrivant ici. Et tout part de là. C'est pour ça que c'est précieux. Et ça a été une île sans pont jusqu'en 1935. Donc, cette espèce de creuset, c'est le terme qu'utilisait Régent Lemoine, il a été préservé très longtemps. Notre ADN était préservé. C'est un peu ça. Bien, en fait, l'île a quand même gardé toujours des contacts avec la capitale. L'île a été, en quelque sorte, le garde-manger avec la côte de Beaupré de la ville de Québec. Mais finalement, c'est en fait un milieu très, très fermé. Et c'est devenu, au début du 20e siècle, avec Marius Barbeau et d'autres qui ont suivi la Courcière, c'est devenu un véritable laboratoire pour comprendre nos racines françaises. Comment on a apprivoisé finalement le pays En Grèce, c'est le mont Olympe qui est finalement le lieu où résident les dieux. En Italie, c'est le mont Capitolin, finalement. Ouais. Au Mexique, c'est la ville de Tenochtitlan à Mexico. Il y a toujours dans les cultures, dans les civilisations, chez les peuples, il y a toujours un lieu d'où on part. Ouais. Et où on rencontre finalement le Panthéon. Alors, chez nous, ça s'est fait à l'île d'Orléans. Ouais. On a tout appris, entre autres, à partir de l'île d'Orléans. Ouais. Et vous, très vite, vous vous êtes intéressé comme jeune étudiant à cette île-là. C'était l'époque aussi, vous, c'est quoi, les années 70. Parlez-moi de ce que ça a voulu. Je vous sentais très ému. Je ne sais pas si les gens dans la salle ont pu le voir, mais en écoutant Félix. Je pleure. À chaque fois que j'entends la chanson de Félix Leclerc, je pleure. Parce que tout l'état de notre société, son passé et son avenir sont dans cette chanson. Oui. Mais qu'est-ce que ça a été pour vous? Pourquoi un tel amour de l'île d'Orléans dans votre vie? Est-ce que ça a représenté cette île-là pour vous, Michel Lessard? Ça a représenté pour moi l'invention du pays. Quand les Français arrivent ici, il faut qu'ils repensent le territoire. Ils vont développer un cadastre où on va être rapprochés les uns des autres par des terres oblongues qui vont comporter une pêche, puis des planches pour l'agriculture, puis une parcelle en bois de boue, finalement, pour le chauffage, pour le sucre d'érable, etc. Ils vont réinventer une maison. Ils vont réinventer des vêtements pour la cadence climatique des étés, des voitures, des techniques de conservation des aliments et de fourrage pour nourrir les animaux et aussi les humains pendant l'hiver. Ils vont réinventer tous les paramètres d'une société qui fait que aux alentours de 1720-1730, on est en parfaite adéquation avec le pays. Oui. On a à peu près tout maîtrisé. Et en 1820, on va mettre une belle maison au point à partir de cet héritage-là, qui est la maison avec un toit en accent circonflexe, la belle maison québécoise. Et elle va rester avec ses paramètres de base tout au long, finalement, de son évolution jusqu'à aujourd'hui. Pierre Thibault, les maisons modernes qu'il fait, il fait des maisons éminemment québécoises, dont le germe était déjà dans la maison de 1820, qui, au fond, héritait de la maison du régime français. Mais ces maisons, à lui, sont... Au fond, c'est des matériaux qui ont changé, mais... Les matériaux, la forme, l'enveloppe, le costume, finalement, c'est des formes plus épurées, plus simples. Mais tous les paramètres sont là. Dégagement du sol, respect de la cadence climatique des étés, des hivers, l'ouverture à la lumière, l'orientation logique, la façade est toujours vers le sud, pas vers le paysage, etc. Alors, toutes ces constantes-là, on les a digérées et on en a fait nôtres, finalement. Ouais. Et notre maison, elle est unique au monde. On la retrouve à nulle part ailleurs, la maison québécoise. On va y revenir dans quelques minutes à ce qu'on a fait de ces maisons, à ce qui en reste, mais un petit mot quand même sur les débuts, puisque tout part de là. Ça commence quand? C'est quartier déjà, 1535, c'est le début. Et ça, à son premier voyage, il découvre l'île d'Orléans, qu'il va d'ailleurs baptiser, île de Bacchus, finalement. Les Amérindiens l'appelaient l'ensorcelé, Windigo, finalement, au départ. Et c'est un nom qui n'est pas demeuré, mais très rapidement, il va s'inspirer, emprunter le nom d'Henri II, duc d'Orléans, et finalement, le nom va rester. Et l'île est vierge à ce moment-là. L'île est fréquentée par des bandes amérindiennes, etc., mais c'est un territoire à prendre, finalement. Ouais. Et ça commence à se développer autour de... Quand la première, la plus vieille paroisse, c'est Sainte-Famille, c'est ça. 1661. C'est ça. Ça, c'est vraiment le début là, d'une vie organisée? C'est ça. Alors, au cours de cette période-là, disons jusque vers 1690, l'île d'Orléans va se diviser en terres et elle va se peupler entièrement, c'est-à-dire que tout va être loti en longue terre. Et finalement, le peuplement va arriver. Et ça, c'est une période de défrichement. Il ne reste à peu près rien de cette période-là. Ouais. C'était des maisons en bois avec des toits en chaume. Les églises étaient faites pareil en colombage, pierroté, etc. Et ça n'a pas résisté au temps, finalement. Ouais. Mais l'île s'est vraiment faite à partir de 1700, 1695, 1700, 1710. Là, on s'invente sa maison et on construit beaucoup de maisons en dur, etc. Et avec, à une certaine époque, autour de 1700, même un peu avant, là, il faut s'en souvenir, c'est prospère, l'île. Il y a autant de monde qui vit à l'île à la fin du 17e siècle qu'à Québec. Bien, il y a beaucoup de gens qui vivent à l'île puis qui cultivent à l'île d'Orléans parce qu'il faut nourrir la ville qui se développe à Québec, qui est à peu près de la même population en bout de piste. Alors, on a besoin de manger des légumes, d'avoir de la viande, etc. Alors donc, au départ, il va y avoir des gens qui vont faire du commerce avec leur barque, mais beaucoup d'habitants vont avoir une barque à clin, finalement, avec une petite voile, puis on va attendre que la marée monte pour descendre vers Québec, ouais. monter vers Québec, puis avec le baissant, on va revenir à l'île, finalement, puis on va utiliser le vent, etc., et on va commercer beaucoup à Québec. Ouais. Il va y avoir beaucoup de prospérité à l'île d'Orléans à cause de ça. Oui. 1759, c'est la bataille des plaines d'Abraham, ce sera la conquête. C'est important pour l'île parce que les Anglais débarquent à l'île, les Français sont évacués de l'île. Qu'est-ce que devient l'île d'Orléans à ce moment-là, Michel Lassalle? L'île d'Orléans est envahie, bien sûr, par... l'Angleterre. Wolfe en fait son quartier général. L'église de Saint-François va devenir un hôpital. Il va prendre certaines maisons pour établir ses campements, finalement. Et la troupe va raser à peu près toutes les maisons. Il restera à peu près plus rien. On ne brûlera pas tout, mais on va tout détruire ouais. le plus possible. Et on va couper les arbres fruitiers. On veut affamer Québec. On veut affamer la capitale. On fait un siège à Québec. Alors donc, tout ce qui est bétail, les gens vont s'enfuir à Saint-Augustin. Ils vont s'en aller sur la côte de Beaupré, etc., pour être épargnés par la troupe. Tout ça, c'est très bien raconté par, finalement, John Knox, ouais. qui est le secrétaire de Wolfe et qui a tout noté ce qui s'est passé à cette période. Il a même donné la permission qu'on prenne des femmes à l'île pour servir finalement la troupe. C'est une maison spéciale, c'est la maison d'Ouen. Très spéciale, la maison d'Ouen. C'est pour ça qu'on est devenu passionné de ça. Il y a beaucoup de maisons qui ont été détruites à l'île d'Orléans par la guerre. Ils sont venus, puis elle a résisté. Ça nous a permis de voir comment que les gens pouvaient vivre dans une maison semblable. Ils vivaient pauvrement, là. C'est pas d'eau, pas d'électricité. On a fait une application sur un brevet d'exposition à la maison d'Ouen. La maison d'Ouen était dans un mauvais état. Mais là, on disait, si on fait une exposition, il faudrait restaurer avant. Au Québec, il n'y a pas beaucoup de maisons classées. Hein. C'est très minime. À Lille, il y a 20 bâtiments classés. Si on enlève des églises, des affaires religieuses, il n'en reste pas beaucoup. On n'avait rien au niveau touristique, quelque chose de... qu'on pouvait montrer à nos touristes qui arrivaient à l'île, là, surtout aux gens de la France, aux gens de l'étranger. Puis les Américains aiment bien visiter des vieux lieux, des vieilles maisons. Alex Blouin, le président de la Fondation François Lamy, et Jean-Pierre Turcotte, le maire de Sainte-Famille de l'île d'Orléans, qui parle de la maison Drouin dans une vidéo qui a été produite par la Fondation François Lamy en 2014. Cette maison-là, la maison Drouin, Michel Lessard, c'est une des vieilles maisons de l'île. On a parlé de la conquête, on a parlé des Anglais qui ont à peu près tout détruit au moment où ils sont à l'île. Qu'est-ce qui reste de cette période des débuts sur le plan du patrimoine bâti à l'île d'Orléans? Cette maison Drouin, c'est la maison canadienne Marquis, qui a été construite en 1730 et rallongée en 1734. J'ai connu cette maison dans mes premières recherches dans les années 60. En faisant le tour de l'île, elle était habitée par un couple, le frère et la sœur, et rien n'avait changé depuis le 18e siècle. C'était la maison. Ils n'avaient pas l'eau courante à l'intérieur. Ils puisaient l'eau à l'extérieur. Il y avait finalement le gros hâte à la française. Il y avait le four à pain d'un côté, le puits d'eau douce. Il y avait un puits d'eau douce à l'extérieur, mais un puits d'eau douce en dedans. Il y avait aussi un garde-manger, une laiterie dans une partie. Puis l'autre partie, c'est la partie d'habitation. Alors, qu'est-ce qui reste du 18e siècle? Un très grand nombre de maisons anciennes qui ont été reprises par plein d'amateurs passionnés, surtout depuis 1959. Depuis que Benoît ouais. Côté, qui est un peintre de Québec, a décidé d'acheter la maison Leclerc. Félix a toujours voulu avoir à Saint-Pierre la maison de son ancêtre, le premier qui est arrivé des Leclerc. Puis c'est un artiste de Québec, qui est célèbre dans la région, qui l'a acquise et finalement il l'a restaurée. Puis comme il était une célébrité, il a été couvert par des magazines, etc., et ça a mis le feu à la reconquête de l'île d'Orléans à partir de 1959. Avec le meilleur et le pire, parce qu'à l'époque, il y a un goût de revenir à ce patrimoine, mais il y a aussi, vous le savez mieux que moi, vous en avez visité beaucoup de ces maisons, un goût de modernité où on enlève les poutres pour mettre du gîte. C'est terrible, oui. Mais c'est pas juste à l'île d'Orléans. Non. Dans l'ensemble du Québec. Ouais. On n'a seulement que 37 villages au Québec qui font partie de l'Association des beaux villages du Québec ouais. sur 700 villages. Alors, il s'est passé quelque chose d'incroyable dans les années 60, 70, 80. Au moment où on reconquiert le patrimoine, en même temps, on laisse aller les choses. Ouais. Les intellectuels ne sont pas avec le monde, finalement. Ouais. La dernière paroisse de l'île à être fondée, c'est Sainte-Pétronée en 1870. Parlez-moi de ça, parce que c'est une planète en soi, Sainte-Pétronée. Ouais, c'est un notaire de Québec anglophone qui va acheter finalement la pointe l'ouest de l'île d'Orléans, qui n'est pas propice à l'agriculture, bien que le premier manoir, celui des Gourdeau de Beaulieu, était à Saint-Pierre, mais c'était lié à Saint-Pétronin, il n'existait pas encore. La paroisse a été créée en 1870, finalement. C'est la dernière des paroisses créées. Et c'est devenu un lieu de villégiature pour la bourgeoisie de Québec, oui. Puis particulièrement la bourgeoisie anglophone. Il y a encore beaucoup d'anglophones à l'île d'Orléans qui jouent un rôle. Les Presses, par exemple, sont installés là. M. Simons, que tout le monde connaît, etc. Alors, il y a des grandes familles de Québec qui ont encore leur domaine, puis leur vue sur le fleuve, etc. Mais Sainte-Pétronille va devenir un lieu très, très particulier, finalement. Et l'architecture en témoigne. C'est une architecture de villégiature, avec des quais qui vont accueillir des gens qui vont venir des alentours de Québec, finalement, se baigner à l'île ou vivre à l'île. Arrivons au 20e siècle avec ce grand coup de tonnerre dans le ciel pour les gens de l'île d'Orléans. 1935, la construction d'un pont, l'île qui sort un petit peu de son isolement. Pas mal, en fait, de son isolement. Bien, à cette heure, le pont, tout le monde est content. On part quand on veut, on arrive quand on veut. Il y en a à cette heure avec le pont de glace, là, puis un petit bateau, là, ça ne fournirait pas. Si l'île d'Orléans est prospère aujourd'hui, c'est merci au pont. C'était une commodité, c'était une débouche pour l'île. Ça a avantagé tout le monde. Ça a avantagé les cultivateurs, ça c'est certain. Parce que là, la culture est devenue intensive, et puis les gens allaient vendre leurs produits en ville avec leur voiture, et puis ils n'étaient plus isolés. Beaucoup. Beaucoup. Pour le trafic, et puis pour le commerce. Avant ça, un cultivateur, ben mon Dieu Seigneur, il montait en ville l'automne avec 7-8 poches de pétales dans sa voiture. Aujourd'hui, il en a un troc et puis charge le troc. À l'île aujourd'hui, c'est pas l'île d'autrefois. Merci au gouvernement du temps qui l'a fait construire. Je ne pourrais pas te dire lequel, je ne sais pas. Mais merci à lui. C'est en effet sous le gouvernement Taschereau qu'est construit le pont de l'île d'Orléans en 1935. Qu'est-ce que ça change, Michel Lessard, pour les habitants de l'île, la construction du pont? Ah, ça ouvre l'île à une économie beaucoup plus large. Pour venir à Québec, ça a été très, très utile, finalement. Ça a donné lieu à peut-être à une consécration du côté magique des productions de l'île. Les fraises de l'île, les pommes de l'île, les maïs de l'île ont des vertus particulières qu'aucun autre endroit du Québec ne possède, parce que au-dessus de l'île, il y a le Panthéon où viennent les dieux passer leurs vacances l'été à l'île d'Orléans. Je précise que M. Lessard n'est pas orléanais, il l'est de cœur, mais imaginez ce que ce serait. C'est ça, voilà. Mais c'est important, donc, puis ça permet aussi de sortir mais de l'île. Faire attention, parce qu'il faut le refaire. Mais oui, le pont. Si on n'est pas vigilant, comme on ne l'a pas été dans plusieurs îles en France, notamment sur la côte atlantique, si on fait un pont trop large, c'est déjà, particulièrement au mois d'août, c'est déjà surchargé. Oui. C'est pare-choc à pare-choc le tour de l'île. C'est très désagréable. Ce n'est plus un lieu de villégiature, ce n'est plus un lieu agricole à ce moment-là. Mais je pense qu'on est prêt à accepter pendant une quinzaine de jours, un mois, finalement, que les gens viennent faire de l'autocueillette, etc. Mais si on fait un pont très large, on va faire ce qu'on a vécu en France. Oui. On va tuer l'île. Oui, vigilance. Ça permet le pont de l'île aussi à des gars comme vous, un peu plus tard, mais de redécouvrir ce que c'est. Je reviens au début de l'émission, mais ce foyer de la civilisation française en Amérique, là, c'est plus facile d'y aller. Ça va produire ça aussi, le pont. Oui, c'est plus facile d'y aller. C'est plus facile de s'y installer aussi. C'est plus facile de venir travailler à Québec ou des alentours. Il ne faut jamais oublier que ça se fait en même temps que le Flower Power se prône, ce retour à la Terre dans les années 60 et 70. Alors donc, ça va créer certains avantages, mais ça va aussi ouvrir l'île à la recherche. Il y a plein de chercheurs en sociologie, en ethnographie, en histoire de l'architecture, en histoire de l'art, en histoire de l'agriculture. Ça va dynamiser l'île à plusieurs égards, finalement. Le pont, il va permettre ça en bout de piste. Parce que l'île il va devenir un véritable laboratoire sur notre culture, nos origines. Une île, une fleur dans l'eau, et la falaise abrupte qui porte les maisons. Des pêcheurs, des cultivateurs, des barges, des charrues, des granges, des entrepôts à poissons, des chemins de terre sous des arbres, croix et sorcières au carrefour, des nuits noires comme des trous, des matins comme des portes d'or, des gens heureux, aveugles. Suivez-moi, il y a fête sur l'île. Je suis venu ici, moi, il y a... Ben, c'est pas compliqué, c'est l'âge de mon fils, qui a 17 ans. J'étais un peu fatigué d'être à Montréal, et je suis venu ici dans l'intention d'y passer 2 jours. Et puis, je suis resté quelques jours, j'ai fait venir ma femme et mon fils, et on est resté 8 mois. Pour découvrir, 15 ans après, que, c'est une chose, je pense, assez amusante, Leclerc de Bonmagny, généalogiste, a fait la généalogie des Leclerc, pour m'apprendre qu'il y a 3 siècles, les premiers Leclerc de Dieppe-Normandie, Jean Leclerc et Marie Blanquet, sont venus s'installer à l'île d'Orléans. Imaginez-vous ma joie. Moi qui étais fou d'ici, de l'endroit, hein, puis j'apprends que les ancêtres viennent d'ici. Félix Leclerc à l'émission Fête au village en 1963. On y revient forcément à Félix, Michel Lessard. Parlez-moi de l'importance qu'ont eu Félix et l'île l'un pour l'autre. Je pense que Félix a mis l'île sur la carte de la poésie et de l'âme québécoise. Sa chanson « Le tour de l'île » est un immense poème à nos origines, à la beauté de l'île, à la nature, au fleuve Saint-Laurent, mais également une mise en garde contre sa dégénérescence. Il est très clair. Finalement, on veut la mettre en mini-jupe « and speak English ». Finalement, je pense que c'est assez clair avec ces 2 lignes-là de sa chanson. Et je pense que l'île puis Félix Leclerc, maintenant, c'est une fusion, finalement. C'est associé. Quand on parle d'Île d'Orléans, je pense que ce qui vient en tête, c'est, au fond, Félix Leclerc. Mais ce qui vient aussi en tête, c'est les paysages. C'est une île, c'est une perle dans cet immense fleuve qui s'appelle le Saint-Laurent. Quand vous êtes à Pointe-d'Argentenay, devant le Cap Tourmente, au moment où les bernaches sont là, les centaines de milliers de bernaches, l'automne, sous la pluie ou dans le vent, avec les hautes herbes, etc., vous êtes dans un pays de divinité. Vous êtes dans un monde qui n'est pas de ce monde, finalement. Et je pense que Félix nous a fait sentir cette réalité-là sur l'histoire, sur la géographie, sur les particularités de l'île d'Orléans. Michel Lessard, ça a été un immense bonheur de vous recevoir. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Je rappelle que vous êtes historien de l'art, auteur de nombreux ouvrages sur le patrimoine québécois, dont ce livre devenu, je le disais, d'entrée de jeu un classique, L'île d'Orléans, aux sources du peuple québécois et de l'Amérique française. Merci beaucoup, M. Lessard. Ça m'a fait plaisir. Merci également à toute l'équipe d'Aujourd'hui l'Histoire, à la recherche Caroline Morin et Éric Saint-Pierre, recherche d'archives Mario Bolduc, au site Internet Ronald Georges, à la technique aujourd'hui Pierre Lévesque, à la réalisation de cette émission Mathieu Beauchamp. Merci beaucoup au Musée national des beaux-arts du Québec de nous avoir accueillis pour cette série d'émissions autour de l'histoire de Québec. Merci à vous qui vous êtes déplacés. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine. Donc, si vous voulez, on peut passer à la période de questions-réponses. On se donne encore un petit 15 minutes. Monsieur Lessard, vous nous avez dit que Wolfe avait établi son état-major en 1759. Et pour moi, l'île d'Orléans est davantage, me semble davantage francophone qu'anglophone. Et alors, combien de temps ils sont restés sur l'île, les Anglais? Ils sont restés pendant 2 mois, finalement. Ah non, oui, ils sont arrivés en juillet. Et puis, déjà en juillet, ils ont fait des manœuvres à l'île d'Orléans et ils sont restés jusqu'à temps qu'ils quittent, juillet ou septembre. Ils ont quitté en septembre. Donc, pendant 2 mois, ils ont ravaudé sur l'île d'Orléans, finalement. En préparant la prise de Québec, finalement. C'est ça. En fait, l'objectif, c'était de capturer la capitale. Il fallait l'affamer. Un siège, il faut qu'on prive le monde de nourriture et d'eau, de feu, etc. Alors, on bombardait Québec à fond de train, là. Hein, sans arrêt, des bombardements. Je ne sais pas combien de milliers de boulets puis de bombes on a tiré sur Québec. On a tout brûlé sur Québec, finalement. Mais on a... J'ai lu des registres du curé Le Guerne, qui était curé en 1759 à Saint-François-de-Lille. Puis dans les années qui suivent, le curé Le Guerne, il écrit en marge de ses prônes, parce qu'on a conservé ça, dans les archives, toujours très, très riches, pour comprendre l'île d'Orléans. J'aurais pu vous parler de ça aussi. C'est quoi les papiers qui nous racontent l'histoire, finalement? C'est fabuleux, les papiers qu'on a. Ils sont bien conservés, d'ailleurs. Alors, le curé Le Guerne, dans ses registres, il note le nombre de pommiers qui ont été replantés à chaque année depuis le départ des Anglais dans chacune des familles ou dans chacun des secteurs de son village de Saint-François. Alors, il a fallu recommencer à neuf, finalement, après le départ. Voilà. Est-ce qu'il y a tout de même des Anglais de l'époque qui se sont installés à l'île d'Orléans, qui ont des racines depuis l'époque? Je ne pense pas. Je n'ai pas cette information-là. Mais vous avez réussi je pense à coller, qu'ils ont pu M. Lassard. Ils ont pu laisser des petites traces qui sont apparues 9 mois plus tard, après leur départ. Alors, il doit y avoir beaucoup d'Orléanais, à mon point de vue, beaucoup, ben, c'est relatif, mais qui sont des descendants de troupiers britanniques. Voilà. Autre question? Il faut lire ça parce que il y a un secrétaire qui accompagne Wolfe, il s'appelle John Knox. Et il a noté finalement le siège de Québec, beaucoup, beaucoup de choses qui étaient des ordres que donnait Wolfe à ses troupes. Et je vous disais tantôt qu'il a donné l'ordre qu'on puisse prendre des femmes à l'île d'Orléans pour assouvir les besoins sexuels des troupiers. C'est clairement écrit, mot à mot, là, j'invente rien là-dessus. Mais personne n'a jamais parlé de ces affaires-là, finalement. Bon, écoute. On n'a pas traduit encore non plus les relations de John Knox à cet égard. Puis, en fait, on n'a pas eu le temps. Moi, j'apprenais en préparant le dossier que le fameux James Cook était aussi, à ce moment-là, a fait de la cartographie à Québec, à l'île d'Orléans. La cartographie du Saint-Laurent, ouais. Etc. Incroyable. Ah, ouais. Autre question dans le public? C'est moi, presque j'aimerais... votre dernière chance. Allez-y, M. Lassard. J'aimerais vous dire un mot sur les archives que l'on a. Dès le début du pays, ici, on suit la coutume de Paris. Et quand quelqu'un décède, il faut faire le partage de ses biens entre sa famille. C'est ce qu'on appelle les inventaires après décès. Pour un lot donné à l'île d'Orléans, quand un propriétaire meurt, eh bien, le notaire s'amène puis fait le tour de tout son patrimoine, de sa maison, de ses dépendances. Puis dans la maison, il procède toujours d'une façon très particulière qui nous indique un peu comment les meubles sont placés dans la maison. Il est payé à la ligne, le notaire. Donc, il a intérêt à ce qu'il y ait le plus possible de détails. Et il ouvre les armoires, puis il nous dit ce qu'il y a dans les armoires. Il va à l'étable, il nous dit qu'il y a tant de vaches avec une robe brune, avec une robe noire, etc., noire, etc. Il rentre dans l'écurie, il regarde les chevaux, il va dans le poulailler. Il note tout, puis à la fin, il fait la division, puis il partage entre les membres de la famille. Après ça, il y a beaucoup, beaucoup de donations entre vifs. Quand quelqu'un est vieux, là, il ne s'en va pas dans le CHSLD à l'époque, il faut que quelqu'un s'occupe de lui. Alors, le vieux, il passe chez le notaire, et puis, avec le notaire puis son fils qui va hériter du patrimoine, il détermine tout ce qu'il va avoir besoin dans les années qui viennent pour lui puis sa vieille. Alors, c'est encore un document 8,5 par 14, avec payé à la ligne, il nous indique tout ce qu'il va avoir besoin de voitures à cheval, de grains, de pain, de blé, etc. On sait tout ce qu'il mange, on sait tout ce qu'il a besoin, comment il s'habille, etc. Après ça, il y a eu des cartes qui ont été faites, des inventaires par les curés. Alors, on sait le nombre d'habitants, finalement. J'ai été visiter la carte de Catalogne de 1707 qui sont aux Archives nationales de France, à Paris, à la Bibliothèque nationale. Écoutez, la carte de Gédéon de Catalogne de la vallée du Saint-Laurent, à part de la table ici, puis elle va jusqu'à la sortie, quasiment, du musée. Elle a à peu près 1,5 mètre de large, puis elle présente toutes les terres avec le nom de chaque personne, finalement, qui est sur la terre. Et on va avoir comme ça un certain nombre de cartes pour différentes périodes. On a beaucoup, beaucoup de documents. On a tous les contrats de construction, les marchés de construction. Tu veux faire construire, le maçon qui s'en va travailler à construire la maison de Charles Genet, voisine du manoir. Du manoir Mauvais-Genet, il passe un contrat chez le notaire, il veut le propriétaire, il veut telle quantité de pierre, telle qualité de pierre, etc. On sait comment les choses sont faites, comment ça a coûté, finalement. Parce qu'il y avait des maîtres forgerons, des maîtres taillandiers, des maîtres maçons. Il y avait, dès le début du pays, au 17e siècle, à partir de 1630, 1640, 1650, à l'île d'Orléans, il y avait des artisans de très grande qualité, des grands professionnels qui pouvaient faire n'importe quoi. Charles Genet, qui va donner sa fille à Jean Mauvide, médecin du roi, qui vont construire le manoir Mauvide-Genet à l'île d'Orléans, il était maître taillandier. à Saint-Jean de l'île d'Orléans. Puis son père était maître taillandier, c'est-à-dire forgeron, maréchal ferrant. Écoutez, imaginez le, tout ce qui touchait le fer. Son père, lui, était maréchal ferrant, sainte famille. Alors, c'était des gens qui étaient très aisés. Il y avait des gens... Quand tu donnes ta famille à Jean Mauvide, qui a été un homme d'affaires incroyable, qui a acheté la moitié de la seigneurie de l'île d'Orléans, il fallait que ta fille, là, signe son nom très bien. Elle n'était pas une deux de pique. Ça veut dire que son père n'était pas une deux de pique non plus. C'était des gens qui avaient une culture, finalement. C'est une série... Nos gens n'étaient pas des niaiseux, là. Ouais. Qu'on se le dise. C'est une série d'émissions, pas une heure. Faudrait faire 25 heures. Merci beaucoup, M. Lessard. Merci, tout le monde, d'être venu nous voir. Ça a été vraiment un bonheur. Merci.